star stands for the will and can wait only watching the sky. Du BPI. Pas sûr, hein. To live forever young. Heaven can wait, we only watch in the sky. C'est pas possible en scène. C'est pas grave. Tu n'es pas? Sinon, tu veux pas voter? Voter. Le refrain. Attention. C'est un sol. C'est pas grave si je me plante, on s'en fout. Oui, pardon. Marcelo, il a raison. To live forever, forever. Axel. Pas mal celle-là, hein. Mais j'aime bien celle-là. C'est mon enfance. Christmas. On a le temps, hein? Encore. Une dernière pour Océan. Thank you. de m'essayer. Pas long tempo. Bon, juste je mute le truc, après faut trouver le tempo. Vous connaissez le tempo. Non, mais tu connais pas Keane? C'est Keane, c'est bien Keane. J'ai pas le tempo là. Ça va trop vite. C'est pire, t'aimes pas Keane? Ils ont vendu beaucoup de disques. On peut pas leur reprocher. Bon, moi je vais vous laisser.